Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter l'historien François Jarige nous parler du régime énergétique de la révolution industrielle du 19e siècle européen. Voilà, cette révolution industrielle, on croit souvent qu'elle se réduit à l'usage des énergies fossiles, et notamment au charbon, et surtout couplée avec la machine à vapeur. Mais en fait, on va voir que cette image qui perdure de la révolution industrielle est bien loin d'être exacte. Dans cette conférence qui a été donnée en mai 2016, François Jarige illustre ses propos avec quelques photographies que nous n'avons pas reproduites dans cette émission de radio. Mais cela n'est pas très gênant puisqu'il explique très bien à quoi elles correspondent, ce qu'elles représentent. Donc tout de suite, François Jarige. Je vais essayer de poser quelques cadres du débat possible en revenant à des expériences passées. Pas juste par souci d'antiquaire ou par souci du passé, mais parce que, évidemment, le 19e siècle, c'est le moment où se met en place un certain nombre de trajectoires technologiques, énergétiques, qui vont jouer un rôle décisif, et c'est précisément ces trajectoires qui sont aujourd'hui en crise. Alors, quand on dit la modernité en crise, ça pose toute une série de problèmes. L'image que j'ai choisie pour inaugurer l'exposé est un peu déprimante. C'est une photographie de Liverpool au tout début du XXe siècle qui illustre bien le nouveau régime énergétique qui aboutit à des pollutions urbaines assez massives. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce qu'on appelle la modernité, c'est évidemment un problème, on ne sait pas trop ce que c'est, on peut donner autant de définitions qu'il y a d'auteurs, et l'idée que la modernité est en crise, c'est aussi ancien que la modernité. D'une certaine manière, la modernité a toujours été en crise, avec des flux, des reflux, des moments où cette crise était particulièrement prononcée. Donc je ne veux pas juste dire que notre situation n'a rien d'original, elle est originale à plein d'égards, mais il me paraît important d'essayer de voir comment les acteurs du passé, confrontés à des problèmes qui possèdent des points communs assez frappants avec notre situation contemporaine, comment les contemporains de ces époques passées ont essayé d'y répondre, d'apporter des réponses à ces questions. Je voulais essayer de proposer une sorte de synthèse du régime, de ce qu'on peut appeler le régime énergétique du 19e siècle, c'est-à-dire l'ensemble des sources d'énergie utilisées par les sociétés de cette époque pour fonctionner, parce que l'énergie, au fond, c'est ce qui nous permet de nous déplacer, de nous chauffer, de produire, de fabriquer des biens, des objets. Or, chaque société fonctionne sur un système énergétique. Chaque société utilise des ressources pour produire de la force, pour produire du travail, afin de médiatiser son rapport au monde, pour se déplacer, pour manger, pour se chauffer, pour toutes les activités de la vie ordinaire. Ce qui se passe évidemment aujourd'hui, c'est que les choix énergétiques qui ont été faits dans les deux derniers siècles révèlent leurs apories, leurs contradictions, leurs impasses. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre les conditions dans lesquelles se sont mis en place ces nouvelles trajectoires énergétiques, les débats qu'elles ont suscités dès l'époque. Non pas pour considérer que le passé offre des solutions à nos problèmes, ça serait une illusion, évidemment. On ne peut pas prendre des solutions du passé et les appliquer au présent, ça n'aurait aucun sens. Mais essayer peut-être de sortir un instant de notre présentisme permanent et de nos peurs contemporaines pour essayer de les replacer dans une plus longue durée. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans ce bref exposé. J'aimerais essayer de revenir sur ce nouveau régime énergétique qui se met en place au 19e siècle, qu'on identifie en général avec le sacre du charbon, avec l'entrée dans l'âge des énergies fossiles. J'aimerais souligner que c'est plus complexe que ça, que le 19e siècle ne se réduit pas au charbon, que c'est une illusion rétrospective, et que le 19e siècle est beaucoup plus riche d'expériences énergétiques, de trajectoires diverses qui ont en partie été oubliées, recouvertes justement par cette mythologie du charbon qui en vient à résumer toute l'histoire du 19e siècle, alors qu'elle n'en est en fait qu'un élément très, très partiel. Donc, ce n'est pas un exposé déprimant que j'aimerais proposer, c'est plutôt un exposé qui rouvre le futur en essayant de retrouver, de refaire ressurgir des expériences du passé. Alors il faudrait en préalable, évidemment, se livrer à de longues considérations théoriques, ce que je ne ferai pas, sur ce qu'est l'énergie. Parce que, évidemment, parler de l'énergie en histoire, ça pose déjà un gros problème. Pour beaucoup d'historiens, parler d'énergie dans les sociétés pré-industrielles, c'est un anachronisme, parce que le mot énergie n'avait pas la même signification qu'elle va l'acquérir au 19e siècle avec les nouvelles théories en sciences physiques qui vont se développer. Hein, j'en parlais récemment avec un collègue médiéviste qui me disait que parler d'énergie au Moyen-Âge n'a strictement aucune signification. Cet historien s'intéresse aux moulins à eau et à toute une série de technologies médiévales. Et il me disait, les ducs de Bourgogne ne voient aucune relation entre la notion aristotélicienne de force, le soleil qui passe à travers la vitre et le cheval qui apporte une cargaison de poissons. Il serait absurde de considérer ces différentes dimensions comme des éléments du régime énergétique médiéval. Et pourtant, évidemment, il est totalement légitime de s'intéresser à la façon dont les acteurs du passé pensaient leur rapport à la nature pour produire de la force. L'histoire de l'énergie, ça a longtemps été une histoire assez technique qui appartenait soit aux historiens des sciences physiques, soit aux historiens des techniques, avec chaque historien des techniques s'intéressant à différents convertisseurs énergétiques, aux moulins à eau, aux moulins à vent, à la machine à vapeur. L'idée de penser l'énergie dans sa globalité, c'est penser les dynamiques, les interactions qui existent entre ces différentes sources d'énergie et ces différents convertisseurs énergétiques qui, en réalité, fonctionnent en général ensemble. Ce qu'on appelle l'énergie, l'histoire de l'énergie, c'est un chantier qui se développe considérablement depuis une vingtaine d'années, en lien direct avec les préoccupations du présent, puisqu'on est rentré, bon maintenant c'est à peu près évident pour tout le monde, devant une crise énergétique massive. Ce qui conduit beaucoup d'historiens de plus en plus à essayer de s'interroger sur le fonctionnement énergétique des sociétés passées. Par exemple, là je vous mentionne trois ouvrages parmi d'autres, mais ce sont les trois principales synthèses qui existent sur le sujet et qui s'inscrivent toutes les trois dans une perspective d'assez longue durée. Hein, le livre Power to the People, ce qui est le livre le plus récent publié en 2014, qui est une vaste synthèse extrêmement intéressante sur l'histoire des régimes énergétiques successifs du Moyen-Âge à nos jours en Europe occidentale. Le livre de Podopnik, qui est une tentative de synthèse sur les transitions énergétiques dans l'histoire, hein, depuis l'aube de la modernité jusqu'à nos jours. Et en français, il y a une synthèse classique qui a été rééditée récemment, qui s'appelle « Les servitudes de la puissance, une histoire de l'énergie », qui est la seule véritable synthèse un peu globale qui essaye de penser cette histoire de l'énergie dans ses différentes dimensions. En ce qui concerne les références bibliographiques que donne François Jarige, c'est un peu rapide, mais voilà, Power to the People, Energy in Europe over the last five centuries, c'est paru au Princeton Press en 2014, c'est un ouvrage collectif. Bruce Podopnik, Global Energy Shifts, Fostering Sustainability in a Turbulent Age, ça c'est Temple University Press en 2005, donc deux ouvrages en anglais, mais l'ouvrage en français de Les servitudes de la puissance, une histoire de l'énergie, c'est là aussi un ouvrage collectif qui est paru la première fois en 1986, mais qui a vu une édition revue augmentée publiée en 2013 sous le titre Une histoire de l'énergie. C'est Jean-Claude Debire, Jean-Paul Déléage et Daniel Emery. Alors, tout de suite, on continue avec François Jarige. Je vais m'arrêter, moi, sur les expériences du 19e siècle qui me paraissent évidemment décisives, à la fois pour leur richesse, pour l'ampleur des controverses et des interrogations qui se posent à l'époque, et aussi évidemment décisives, comme on l'a dit, parce que c'est le moment de bifurcation historique massif où s'engage l'industrialisation et son nouveau régime énergétique qui permet à la fois, évidemment, de produire massivement de la force au service de l'amélioration des niveaux de vie des populations, mais cet accroissement considérable de la force s'accompagne d'une multitude de difficultés, de problèmes que les acteurs, dès le début du processus, vont essayer d'interroger et de penser. La notion d'énergie, le concept moderne d'énergie, avant le 18e, avant la fin du 18e, le début du 19e siècle, la notion d'énergie était utilisée, mais elle relevait davantage d'un registre moral et spirituel. Ça désignait la force qui nous portait à aimer, par exemple, l'autre, davantage qu'un concept physique chargé de décrire une réalité physique. La notion d'énergie va peu à peu se dégager des sciences physiques à l'époque moderne, chez des théoriciens comme Newton, Leibniz, qui vont réfléchir à la mécanique et aux lois physiques qui permettent de produire de la force. Mais c'est véritablement au début du 19e siècle que le concept moderne d'énergie apparaît, notamment dans une conférence au tout début du 19e siècle d'un Anglais qui s'appelle Thomas Young, qui est l'un des premiers à employer le mot énergie dans son sens contemporain pour décrire cette force permettant de faire mouvoir un corps, hein, et de produire de la force. Évidemment, en français et en France, c'est Sadi Carnot, hein, et son ouvrage célèbre sur les réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance en 1824, qui va être très largement inconnu lorsqu'il va être publié, mais qui va être redécouvert par la suite. C'est ce texte de Sadi Carnot qui est présenté comme l'un des textes qui théorise en premier ce concept moderne de l'énergie. Et on voit bien dès le début du texte à quel point l'énergie devient à partir de cette époque une véritable obsession des sociétés de ce temps. Trouver des nouvelles sources d'énergie, domestiquer de nouvelles forces naturelles pour produire de la force au service de la production devient à partir du début du 19e siècle l'une des obsessions des économistes, des ingénieurs, mais bien au-delà, puisque il s'agit dès l'époque de dépasser le mur écologique auquel se heurtent les sociétés de cette époque, qui connaissent une forte croissance démographique, un début de croissance industrielle. Et pour bloquer le mur écologique qui apparaît notamment dans la déforestation massive qui accompagne les premiers pas de l'industrialisation, il s'agit de trouver, de domestiquer de nouvelles sources d'énergie pour permettre la poursuite du processus d'industrialisation. Et évidemment, dès les années 1820, le charbon et l'énergie produite par les machines à vapeur vont apparaître comme une sorte de panacée miraculeuse qui permet de dépasser les contraintes environnementales, les contraintes écologiques pour produire en très grande quantité et de façon plus rationnelle. La nature, en nous offrant de toutes parts le combustible, nous a donné la faculté de faire naître en tout temps et en tout lieu la chaleur et la puissance motrice qui en est la suite. Développer cette puissance, l'approprier à notre usage, tel est l'objet des machines à feu. Machines à feu, c'est le nom qu'on donnait à l'époque aux machines à vapeur. Donc, dès cette époque, la machine à vapeur devient la grande icône de l'histoire énergétique, la grande technologie du futur qui doit permettre de produire une société d'abondance, une société émancipée, une société devenue riche. Donc l'histoire de l'énergie, c'est évidemment l'histoire de l'énergie au XIXe siècle, c'est souvent, hein, dans les manuels scolaires d'ailleurs c'est très net, c'est souvent l'histoire de cette domestication progressive de la machine à vapeur, de sa diffusion, de son application dans toute une série de secteurs d'activité qui permet d'engager ce processus d'industrialisation. J'aimerais, donc je vais revenir évidemment sur cette question de la machine à vapeur, mais j'aimerais complexifier un peu le processus en soulignant que la machine à vapeur, en réalité, pendant très longtemps au XIXe siècle, est restée très marginale, très secondaire. L'industrialisation du monde n'est pas passée dans un premier temps par la machine à vapeur, mais par toute une série d'autres trajectoires énergétiques qui ont été peu à peu oubliées, recouvertes ou folklorisées comme des reliquats du passé, alors qu'en réalité, ces technologies anciennes étaient elles-mêmes modernes. Le charbon n'incarne pas à lui seul la modernité, mais la modernité du 19e siècle était une modernité plurielle qui passait aussi par l'amélioration de techniques énergétiques, de convertisseurs énergétiques beaucoup plus anciens qui vont jouer un rôle massif dans les premiers temps de l'industrialisation. Donc je vais d'abord revenir brièvement sur une petite pesée globale du nouveau régime énergétique qui se met en place. En quoi le 19e siècle marque-t-il une rupture énergétique, la mise en place d'un nouveau régime énergétique? J'aimerais ensuite souligner que cette modernité énergétique du 19e siècle, avant de passer par le charbon, elle passe par d'autres moteurs, par d'autres techniques pour domestiquer l'énergie, notamment par ce qu'on appelait au début du 19e siècle les moteurs animés, hein, les chevaux, les animaux. Les animaux ont été mis au travail massivement pour répondre à ce besoin d'énergie croissant des sociétés du début du 19e siècle. De même, l'hydraulique, l'éolien. Toutes ces techniques ont été massivement utilisées, massivement développées pour produire de la force, pour se déplacer, pour accompagner l'industrialisation. C'est seulement dans un deuxième temps que le charbon va s'imposer et l'emporter massivement au tout début du XXe siècle. Mais c'est vraiment un processus qui ne viendra que dans un second temps. Donc ça, c'est toute la question centrale de savoir qu'est-ce qui explique l'industrialisation de l'Occident, l'industrialisation du monde occidental. Pendant longtemps, on a considéré que c'était la machine à vapeur qui aurait donné une sorte d'impulsion technique, une innovation de rupture décisive qui aurait permis le processus d'industrialisation. Aujourd'hui, les historiens sont beaucoup plus prudents et soulignent que la machine à vapeur a accompagné le processus dans certaines régions, mais c'est pas elle, qui est à l'origine du processus d'industrialisation et de changement du régime énergétique. On reviendra donc sur les débuts de la vapeur et qu'est-ce qui explique que finalement la vapeur et le charbon l'emporte sur ses autres trajectoires énergétiques à la toute fin du 19e siècle. Avant de terminer par quelques-unes des controverses, des débats qui ont émergé dès le 19e siècle sur ces nouvelles trajectoires énergétiques et comment les acteurs de l'époque ont tenté de les dépasser. La question qu'on aborde aujourd'hui, elle se pose de façon très différente si on se situe à un niveau local ou si on se situe à un niveau global. Donc l'espace retenu, l'échelle retenue et le territoire étudié va évidemment déterminer considérablement ce qu'on regarde, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Angleterre au 19e siècle et la région de Manchester, par exemple, en particulier, qui va adopter très tôt la machine à vapeur, n'est qu'un petit bout de territoire minuscule. Toute l'historiographie et toute la mémoire de l'industrialisation du 19e siècle ne retient finalement que cette expérience singulière, comme si elle était la norme, alors qu'au 19e siècle, elle est plutôt l'exception. Dès le début du 19e siècle, en Grande-Bretagne, le charbon représentait 80% de la consommation énergétique totale, alors que dans tous les autres pays européens, cette part du charbon dans la consommation énergétique était très limitée, très réduite et très faible, y compris dans les pays qui vont jouer un rôle important dans l'industrialisation, comme la France ou l'Allemagne. Donc finalement, il montre quand même que le 19e siècle représente une rupture. On voit bien que sur tous ces graphiques, il y a un moment d'emballement, d'accélération. C'est le moment où les courbes, qui avant étaient complètement lisses, les courbes commencent à s'emballer et à grimper. Évidemment, cette croissance ne cesse de s'accentuer depuis. Il faut juste rappeler donc que le 19e siècle marque un moment de discontinuité historique majeure. Dans les mondes pré-industriels, dans les sociétés pré-industrielles, il y a déjà eu des changements énergétiques, il y a déjà eu des évolutions assez sensibles. L'histoire du charbon remonte bien avant le 19e siècle. L'histoire de la domestication de l'énergie hydraulique pour produire de la force remonte à l'Antiquité et puis surtout au Moyen-Âge où ça va prendre son essor. Et évidemment, ces courbes lisent toutes ces évolutions antérieures par le fait qu'elles sont polarisées par notre contemporanéité, par notre présent et par l'accroissement considérable de la demande énergétique qui a caractérisé le XXe siècle. Alors, pour le dire très brièvement avec quelques statistiques vraiment pour illustrer cette discontinuité historique, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on estime qu'en Europe, le bois et les végétaux représentaient à peu près 70% de l'énergie. Au tout début du XXe siècle, le charbon représente désormais à peu près 70% de l'énergie consommée en Europe. Donc il y a véritablement un basculement, un changement de régime énergétique, et dans ce changement de régime énergétique, le poids du charbon est indéniablement un facteur très très important. Mais ce que je veux souligner, c'est que, et ça apparaît assez nettement dans ces différentes courbes statistiques, en réalité il faut distinguer dans cette histoire du triomphe du charbon et de notre entrée dans le monde des énergies fossiles, il faut distinguer deux aspects. Il faut distinguer d'abord chronologiquement le fait que le processus a été très tardif et a suivi des rythmes très différents selon les territoires, selon les pays. Seule l'Angleterre, et même à l'intérieur de la Grande-Bretagne, en fait, seules certaines régions britanniques ont adopté la machine à vapeur et le choix du charbon comme trajectoire énergétique au début du 19e siècle. Dans la plupart des autres pays européens, le processus fut beaucoup plus tardif et ne concerne pour l'essentiel que la deuxième moitié du 19e siècle. Et il faut distinguer aussi cette différence selon les territoires, selon les espaces. Dans de nombreuses régions du 19e siècle, le charbon n'a pas été adopté et l'industrialisation est passée par l'utilisation d'autres types d'énergie, d'autres types de convertisseurs, de moteurs pour produire de la force. Alors, autres moteurs énergétiques sur lesquels j'aimerais insister pour commencer, ces autres moteurs énergétiques, ce sont d'abord tous les moteurs, toutes les sources d'énergie qu'on pourrait qualifier d'anciennes, qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, c'est-à-dire l'énergie du vent, l'énergie de l'eau, l'énergie des animaux, l'énergie des hommes au travail. Toutes ces énergies anciennes, dans le sens où ce sont des trajectoires énergétiques qui ont démarré bien avant le 19e siècle, qui ont commencé lors des mutations économiques et industrielles du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui ont commencé à prendre leur essor bien avant le 19e siècle. Ces énergies apparaissent comme dans notre imaginaire, dans les récits historiques habituels, comme des technologies dépassées, c'est-à-dire comme des reliques anciennes qui ont été supplantées par le charbon. Et donc, le modèle de la transition énergétique du 19e siècle, c'est l'idée qu'il y avait des énergies anciennes, traditionnelles, fondées sur la biomasse, fondées sur l'eau, le vent, fondées sur la couverture végétale, fondées sur le bois, et que ce régime énergétique ancien aurait été marginalisée aurait disparu au profit d'un régime moderne fondé sur le charbon. Et c'est la transition énergétique du 19e siècle. Parce que le débat central, évidemment, actuellement, c'est la question de la transition énergétique, quelle forme ça doit prendre, comment l'engager. Or, le 19e siècle a engagé une forme de transition énergétique, on pourrait dire. Elle est passée d'un mix énergétique à un autre. En réalité, ce qu'on appelle la révolution industrielle et l'industrialisation n'a pas entraîné une marginalisation, une disqualification des énergies anciennes. Elle a au contraire entraîné un accroissement considérable de l'utilisation des anciennes énergies, notamment dans la première moitié du 19e siècle, où le charbon reste tout à fait marginal et l'essentiel de l'accroissement industriel, l'essentiel de la production et de l'accroissement, l'essentiel de l'énergie nouvelle obtenue pour accroître les déplacements, accroître le transport, accroître la production, est passé par l'utilisation d'énergies anciennes. Et donc, pour permettre de répondre à la demande énergétique croissante des sociétés en voie d'industrialisation, les sociétés du premier 19e siècle ont massivement utilisé les énergies anciennes, qui ne sont pas du tout périmées, mais qui, au contraire, trouvent toute une série de nouvelles formes d'utilisation au service de la puissance des sociétés de cette époque. On pourrait passer en revue toutes ces énergies anciennes et voir comment elles se développent, comment elles connaissent au contraire un processus d'expansion et ne sont pas du tout en voie de diminution. D'abord, le bois, en premier lieu. Le bois continue d'être utilisé en quantité croissante comme énergie primaire dans toute une série de secteurs d'activité. Il y a une pression croissante sur la ressource forestière en Europe de l'Ouest tout au long du 19e siècle. Si dans certains pays, la déforestation était déjà massive dès la fin du 18e siècle, comme en France ou en Angleterre, dans de nombreux autres pays européens, le pic historique de déforestation est atteint aux alentours de 1900. Et au cours du XXe siècle, on va assister plutôt à une reconquête des espaces forestiers, à une reforestation en Europe de l'Ouest, qui va évidemment s'accompagner d'une déforestation massive dans le reste du monde, où le bois va rester un combustible essentiel pour de nombreuses sociétés. Donc le bois lui-même n'est pas du tout un combustible périmé au XIXe siècle. Il continue d'être utilisé en quantité croissante, même si pourtant son utilisation comme matériau de construction, par exemple, décline avec l'utilisation évidemment de nouveaux matériaux. Les énergies qui vont être le plus stimulées, ce sont les énergies anciennes comme l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique est l'énergie du premier XIXe siècle. Au moins autant que le charbon. Dans de très nombreux territoires, c'est la domestication des cours d'eau qui a permis l'industrialisation. D'autant plus qu'il ne faut pas imaginer l'énergie hydraulique. Là, je parle d'avant, évidemment, l'hydroélectricité et l'utilisation des chutes d'eau pour produire de l'électricité. Là, je parle de l'énergie produite par des roues afin de produire des forces via un mouvement mécanique. Les roues et les techniques permettant d'utiliser les cours d'eau pour produire de la force ne cesse de se développer, de s'améliorer avec l'utilisation de nouveaux matériaux pour accroître l'efficacité de ces moteurs et de ces convertisseurs énergétiques, avec l'apparition de nouveaux moteurs hydrauliques comme les turbines dans les années 1830-1840 en France, mais aussi dans plusieurs pays du monde. Donc le 19e siècle voit un accroissement considérable de l'usage des cours d'eau. Les cours d'eau n'ont jamais été à ce point utilisés pour produire de la force que dans les années 1840, ou dans certaines régions européennes, par exemple comme la Normandie, à peu près tous les cours d'eau normands sont équipés en machines hydrauliques pour produire de la force pour les ateliers artisanaux et ou pour les usines textiles et les nouvelles industries de la révolution industrielle. Donc dans de nombreuses régions du monde, la révolution industrielle, l'industrialisation s'engage par l'utilisation de l'énergie hydraulique, bien plus que par l'utilisation du charbon et de nouvelles ressources fossiles. En France, on estime qu'il y avait à peu près, en 1850, 100 000 moulins au fil de l'eau, ce qui représente évidemment une densité d'équipements hydrauliques tout à fait considérable. Et l'un des problèmes qui va se poser, c'est justement le suréquipement hydraulique qui fait que plus d'installations ne sont possibles parce que de nombreux cours d'eau dans les régions industrielles sont totalement équipés. On trouve la même chose en Angleterre. C'est-à-dire qu'en Angleterre aussi, l'hydraulique a connu un développement dans la première moitié du 19e siècle. Dans les régions où l'accès au charbon était trop coûteux ou difficile, les industriels ont essayé de domestiquer les cours d'eau pour produire de la force. On pourrait dire la même chose des moulins à vent. C'est une photo de la fin du 19e siècle qui représente un moulin à vent qui était utilisé dans la fabrication des ardoises à Trélazé et qui était utilisé justement pour enlever l'eau dans les galeries souterraines d'où on extrayait les ardoises. Et ce moulin à vent a été installé dans la première moitié du 19e siècle. C'est pas une sorte de relique ancienne qui subsisterait au 19e siècle. C'est une technique nouvelle qui est mise en place au 19e siècle pour permettre le développement de cette activité. Ce moulin à vent, il en reste plus énormément aujourd'hui de moulin à vent du 19e siècle, est en cours de patrimonialisation par toute une série d'associations locales. Évidemment, le vent a été domestiqué aussi massivement au 19e siècle pour le transport. Il ne faut pas oublier que l'apogée de la marine à voile, c'est les années 1870. Les bateaux à voile se sont considérablement perfectionnés. Les techniques pour utiliser cette énergie éolienne pour la navigation s'est considérablement développée. Et en 1870, il n'y a jamais eu autant de navires à voile. La marine à vapeur existe évidemment déjà, mais en 1870, elle est encore très loin d'avoir supplanté la marine à voile. Donc la révolution des transports, qu'on identifie en général au chemin de fer et donc à cette nouvelle économie fossile du 19e siècle, là encore, la révolution des transports passe autant en réalité par le développement des anciennes techniques de transport, par l'amélioration des réseaux routiers, par le développement du transport hippomobile, par le développement des canaux, par la navigation. Cette question de l'énergie éolienne au 19e siècle, c'est typiquement un sujet qui est extrêmement mal connu. Parce que justement, cette énergie éolienne apparaît comme une sorte de tradition, reliquat, qui serait à contre-courant de la modernité. Et donc qui ne retient pas forcément l'attention, puisque souvent, on ne s'intéresse qu'à ce qui apparaît comme une innovation. Mais ce qui apparaît comme une innovation a posteriori n'était pas forcément central dans le fonctionnement des sociétés de l'époque. Or, cette question des moulins à vent était un vrai enjeu de débat, y compris dans la culture populaire de l'époque. Je vous rappelle juste que l'un des récits publiés par Alphonse Daudet dans Les Lettres de mon moulin concerne directement cette lutte entre le moulin à vent et le moulin à vapeur dans les années 1860, puisque dans la nouvelle Maître Cornille, c'est le récit en fait d'un ancien meunier utilisant un moulin à vent qui est menacé par l'arrivée massive des minoteries à vapeur. Et ce vieux meunier, ça se passe dans le sud de la France, et c'est les habitants vont choisir de continuer à apporter leur farine à ce vieux meunier pour éviter qu'il ne se suicide ou qu'il ne tombe en dépression. Donc cette nouvelle nous dit en quelque sorte que, évidemment, dès cette époque, par rapport à l'efficacité productive des moulins à vapeur, les moulins à vent apparaissaient déjà, commençaient déjà à apparaître anachroniques, mais il restait pourtant, jusqu'au milieu du 19e siècle, une réalité bien présente. Le dernier, peut-être la dernière technologie, machine ancienne, la technique ancienne, qui apparaît encore plus sans doute ancienne aujourd'hui, mais qui est complètement moderne au 19e siècle, c'est l'énergie des moteurs animés, c'est-à-dire l'énergie animale. En réalité, le développement de l'industrialisation a entraîné une mise au travail des bêtes très, très importante et dans tous les domaines. En Angleterre, il y avait 1,5 million de chevaux à peu près vers 1800. Il y en a 3 millions en 1900. Et la croissance est à peu près équivalente dans tous les pays européens. C'est-à-dire que la densité des animaux de travail n'a jamais été aussi importante qu'au 19e siècle. Il n'y a jamais eu autant d'animaux pour produire de l'énergie qu'à la fin du 19e siècle. Évidemment, dans les transports, l'amélioration des transports s'est faite par la mise au travail des animaux et par le développement de la traction hippomobile. Les premiers transports publics, les premiers transports collectifs à Paris sont le fait, évidemment, des voitures à chevaux. Et on pourrait même dire que le développement du chemin de fer, qui est évidemment une réalité fondamentale du 19e siècle, mais qui est surtout une réalité de la deuxième moitié du siècle. Il faut rappeler qu'en 1830, il y avait encore seulement quelques kilomètres de chemin de fer en Angleterre, en France. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a 1 million de kilomètres de chemin de fer dans le monde. Donc le chemin de fer s'est imposé très rapidement après 1850, mais seulement après 1850. Davantage, c'est essentiellement une réalité européenne et nord-américaine avant 1914. Mais le développement, cette explosion du chemin de fer dans la deuxième moitié du 19e siècle, n'a pas entraîné la disparition des anciennes sources d'énergie. Elle les a au contraire stimulées. Par exemple, le chemin de fer n'a pas concurrencé le cheval. Le chemin de fer a permis un développement du transport utilisant l'énergie animale. Puisque le chemin de fer permettait d'accélérer sur un certain nombre de trajets, sur un certain nombre de lignes stratégiques, mais cette accélération du transport sur un certain nombre de lignes stratégiques, à travers le réseau ferroviaire, a stimulé le besoin de transport pour toutes les lignes intermédiaires. Et ce besoin de transport et ces besoins énergétiques pour assurer ce transport sur toutes les lignes intermédiaires passaient par le développement du transport hippomobile, notamment. Alors, on pourrait évoquer évidemment aussi le domaine de l'agriculture. le 19e siècle a été le moment de mise au travail de l'agriculture. Et même les premières sources d'énergie pour développer le machinisme et les premières formes de machinisme agricole est passée par l'utilisation des moteurs animés, hein, de la force animale. Un exemple typique des premières machines à battre le grain dans les campagnes qui, jusque dans les années 70, utilisaient davantage de manèges de chevaux que de machines à vapeur. Alors, les exemples pourraient presque être infinis. C'est typiquement l'énergie du chien. Ça pourrait paraître parfaitement marginal. En réalité, le chien, hein, il n'y a jamais eu autant de chiens qu'au 19e siècle. Il y avait assez peu de chiens avant le 19e siècle. Le chien était surtout un animal qui appartenait au groupe dominant. Ce n'était pas un animal si répandu que ça. Et la mise au travail du chien est surtout une réalité du 19e siècle. Pour le transport, par exemple, là, vous avez cette pratique complètement oubliée des charrettes utilisant l'énergie canine. En complément de la traction équestre et en complément du chemin de fer, s'est développé pour le transport de proximité, pour les petites distances, le moteur canin. Et ça, le moteur canin, l'apogée du moteur canin, c'est à la fin du 19e siècle, où vous avez, par exemple, dans des régions comme dans le bassin parisien ou en Belgique, hein, on estime qu'il y a à peu près 50 000 charrettes à chiens en fonctionnement en Belgique vers 1900, qui étaient utilisées pour toute une série de fonctions, notamment pour les livraisons à domicile. Hein, là, vous avez le planteur de Caïfa, qui est un célèbre vendeur à domicile qui sillonnait les campagnes françaises à la Belle Époque et qui utilisait une armée, j'exagère, mais qui utilisait toute une série de représentants de commerce qui transportaient leurs marchandises au moyen de charrettes à chiens. Et d'ailleurs, Peugeot, dans les années 1890, a fabriqué en série des charrettes pour utiliser la traction canine. Alors ça a complètement disparu dans l'entre-deux-guerres, même si ça a été réactivé par manque à cause des crises énergétiques pendant les deux guerres mondiales. Mais ça a ensuite été complètement oublié. Mais ce type de ressources énergétiques, qui reste évidemment marginal dans le mix énergétique global, l'utilisation de l'énergie canine s'est développé pour des usages qui étaient peu visibles. Par exemple, pour le petit artisanat, pour des petits métiers. Par exemple, les roues. Il y avait des roues à écureuil utilisant des chiens qui tournaient pour produire de la force. Il y avait même des boulangeries à la fin du 19e siècle qui se sont mécanisées avant l'arrivée de l'électricité en utilisant des roues à chiens. On faisait tourner des chiens dans des roues et ça actionnait les mécanismes de pétrisseuse parce que dans la boulangerie, les boulangers n'avaient pas les moyens d'acheter des machines à vapeur coûteuses et installer une machine à vapeur dans un fournil de boulanger, c'était très compliqué, c'était extrêmement dangereux. Bon, donc, le moteur canin lui-même a été une source d'énergie qui n'est pas une énergie ancienne qui aurait disparu au 19e siècle, mais c'est au contraire une énergie qui a été inventée par le 19e siècle pour répondre à des besoins énergétiques de proximité, de faible ampleur, en complément des autres ressources énergétiques utilisées. Bon, je pourrais continuer à développer, mais je ne vais pas le faire parce que le temps passe vite, mais les chevaux, par exemple, c'est très mal connu, mais ont été utilisés aussi dans l'industrialisation, dans le textile. On utilisait des manèges de chevaux assez fréquemment. Lorsque les cours d'eau ne pouvaient pas être équipés en roues hydrauliques, et lorsque la vapeur était trop coûteuse, trop dangereuse, ou l'accès au charbon trop compliqué, on utilisait très fréquemment des manèges de chevaux. Et ces manèges de chevaux, dans certains endroits comme Elbeuf, par exemple, dans l'industrie drapière d'Elbeuf, les manèges de chevaux ont vu leur croissance augmenter très fortement dans la première moitié du 19e siècle, parallèlement à l'industrialisation. Donc on voit là encore à quel point ce récit habituel de le 19e siècle et l'industrialisation comme étant synonyme du charbon, ce récit mérite d'être sans doute un peu complexifié. Thank you. Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1 qui passe une conférence de François, l'historien François Jarige, qui nous parle des énergies renouvelables au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle. Donc voilà, encore une demi-heure avec François Jarige et sa conférence. Alors, évidemment, malgré tout, ce qui ressort, ce qui va être retenu par la postérité, et surtout ce qui va être valorisé dès l'époque par les contemporains, c'est l'énergie, c'est la vapeur et c'est l'utilisation du charbon qui apparaît d'emblée, dès les années 1820-1830, véritablement comme un processus quasiment miraculeux. Et donc, c'est la machine à vapeur qui va à la fois retenir l'attention des théoriciens, qui va retenir l'attention des observateurs, de la presse. Et le 19e siècle va voir l'émergence d'un véritable mythe de la vapeur. C'est-à-dire qu'au-delà de la réalité effective de ces usages, de ces utilisations, qui restent assez limitées dans de nombreuses régions du monde et dans de nombreux secteurs d'activité, la vapeur devient en vérité un mythe porteur de futur, porteur d'avenir, permettant de faire entrevoir un futur émancipé de tout problème énergétique grâce à la domestication de cette ressource enfouie dans le sous-sol et présentant des caractéristiques merveilleuses. Une fois mis au point, évidemment, les technologies permettant de domestiquer cette énergie primaire qui était le charbon enfoui dans le sous-sol. Donc le charbon, quelques statistiques globales. En 1850, il y a à peu près 50 millions de tonnes de charbon produites dans le monde, dont 31 millions pour la seule Angleterre. Si on rajoute les États-Unis, la France et la Belgique, on a quasiment l'essentiel. Donc le charbon est en réalité, en 1845, le charbon est une énergie très limitée à quelques pays, à quelques régions à l'intérieur de ces pays. En 1914, évidemment, la situation a assez radicalement changé, puisqu'on extrait 1 milliard de tonnes de charbon dans le monde dès cette date. Le charbon s'est imposé entre 1870 et 1914 comme véritablement, s'est diffusé dans les usages. Mais le discours et la mythologie du charbon a précédé ces usages sociaux réels et sa diffusion dans la société. Alors, c'est évidemment l'Angleterre qui a joué le premier rôle. Ensuite, l'Allemagne, la Belgique un petit peu, la France a été beaucoup plus en retrait. En réalité, la France s'est retrouvée dans une situation difficile parce qu'elle souffrait d'un déficit d'accès à des gisements de charbon assez facilement exploitables et de bonne qualité, en comparaison de l'Angleterre et de la Belgique notamment. Et le développement, l'adoption de la trajectoire énergétique charbonnière au 19e siècle en France est largement passée par l'importation extérieure, non, par l'importation du charbon britannique, belge et allemand. Avant que, à partir des années 70-70, véritablement, les mines de charbon commencent à devenir très, très importantes. Alors, l'Angleterre, quand on parle du 19e siècle charbonnier, du siècle du charbon, il faudrait préciser que c'est la Grande-Bretagne, c'est le 19e siècle anglais qui est le siècle du charbon, plus que le 19e siècle européen ou le 19e siècle en général. En Angleterre, c'est indéniable que dès le début du 19e siècle, la Grande-Bretagne est passée un régime énergétique fondé sur les ressources fossiles, fondé sur l'utilisation du charbon. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette précocité anglaise? Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne a adopté si précocement cette trajectoire énergétique? Alors, bon, évidemment, il y a des débats considérables dans l'historiographie pour expliquer pourquoi, c'est la question ultime toujours, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi est-ce que les sociétés d'Europe de l'Ouest, et l'Angleterre et le reste de l'Europe se sont engagées dans l'industrialisation? C'est pas juste parce que l'Europe de l'Ouest aurait été dotée de capacités intellectuelles ou de vertus propres. En réalité, c'est le résultat d'une multitude de facteurs explicatifs entremêlés et assez complexes. Pour dire les choses simplement, il y a au moins quatre explications principales qui expliquent ce choix du charbon en Grande-Bretagne. En premier lieu. D'abord, évidemment, parce qu'il y avait une crise écologique particulièrement importante, particulièrement dramatique en Angleterre. Dès les années 1800, la Grande-Bretagne souffrait d'une surexploitation massive de ses forêts. Et en réalité, dès le XVIe siècle, l'Angleterre connaissait un problème de déforestation massif qui avait conduit le pays à développer ses ressources charbonnières assez précocement, notamment pour le chauffage. Puisqu'avant l'utilisation et la mise au point d'une machine à vapeur à peu près efficace au cours du XVIIIe siècle, et c'est seulement au tout début du XIXe siècle qu'en réalité que les machines à vapeur deviennent efficaces et possèdent un rendement énergétique suffisant. Avant cette époque, les machines à vapeur fonctionnaient très mal. Souvent on dit que c'est le brevet de James Watt en 1784 qui aurait inventé la machine à vapeur permettant d'utiliser le charbon pour produire de la force mécanique. En réalité, c'est plus complexe que ça, mais en gros, c'est entre les années 1760, 1770 et 1800 que les machines à vapeur ont commencé à être construites de façon efficace, donc ont permis de produire de l'énergie, de la force, en brûlant du charbon pour produire de la vapeur qui actionnait un mécanisme. Donc, l'une des premières raisons qui explique ce passage de l'Angleterre au charbon, c'est d'abord ces contraintes écologiques propres qui pesaient sur la société britannique très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle. On estime, en 1840, que le charbon britannique fournissait à peu près, disons que s'il avait fallu produire l'énergie que produisait le charbon, il aurait fallu à peu près deux fois la superficie totale du pays en bois. C'est-à-dire que le charbon extrait des mines britanniques permettait à la Grande-Bretagne en fait, d'avoir deux territoires britanniques supplémentaires, c'est ce que les historiens appellent les hectares fantômes. C'est-à-dire la quantité de surface qu'il aurait fallu en bois, en forêt, pour pouvoir produire l'énergie équivalente à ce que fournissait comme énergie le charbon. Il y a évidemment des explications qui tiennent aussi à l'abondance et à la facilité d'exploitation des mines de charbon. Il y a de grands débats, je ne sais pas si vous avez croisé ça dans l'historiographie, pour savoir pourquoi est-ce que c'est l'Angleterre qui y est entrée en premier dans l'âge industriel et pas la Chine. La Chine, au XVIIIe siècle, était une grande puissance politique, industrielle, économique. Et un historien américain qui s'appelle Kenneth Pomerantz, qui a écrit un grand livre qui s'appelle « La grande divergence », où il essaye d'expliquer pourquoi est-ce que finalement l'industrialisation a eu lieu en Europe de l'Ouest et pas en Asie. Il avance toute une série de plein de facteurs, mais toute une série de contingences écologiques et géologiques qui expliquent qu'en Angleterre, les lieux de production et donc les lieux de consommation du charbon étaient proches des lieux de production et d'extraction du charbon, alors qu'en Angleterre, il y avait une dissociation complète entre les lieux de production industrielle et les lieux où se trouvaient les mines de charbon. Donc il y a aussi des facteurs explicatifs qui tiennent à l'abondance des mines, à leur localisation, qui rendait l'exploitation de ces gisements charbonniers plus facile en Angleterre. Il faudrait évidemment ajouter aussi au fait qu'il y a plusieurs historiens qui ont souligné que les Britanniques ont adopté le charbon alors même que l'énergie hydraulique n'était pas complètement domestiquée. C'est-à-dire qu'il y avait encore des possibilités de développer l'énergie hydraulique pour actionner les métiers. Or, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'au début du 19e siècle, les machines à vapeur, ces technologies de la modernité, c'était assez peu efficace, extrêmement dangereux, ça pétait tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est dans le premier stade du développement de ces techniques et qu'elles posaient de nombreux problèmes, que ce soit en termes d'efficacité, que ce soit en termes de dangerosité. Et elles étaient coûteuses. Donc, souvent, l'hydraulique était beaucoup plus financièrement intéressante. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de capitalistes anglais ont malgré tout choisi le charbon plutôt que l'hydraulique, alors que d'un point de vue financier, ça pouvait se discuter? Il y a plein de facteurs. Il y a un argument qui est assez intéressant, qui tient aux questions de pouvoir et de contrôle sur le processus de production. Le problème de l'hydraulique, évidemment, c'est qu'il est soumis à des aléas climatiques, à des phases de basses eaux qui peuvent poser problème pour faire tourner les usines. Et surtout, l'hydraulique nécessite une gestion collective des cours d'eau. Il faut se mettre d'accord entre les différents utilisateurs du cours d'eau pour utiliser cette source d'énergie. Alors que le charbon et la machine à vapeur a le grand avantage d'être une sorte de technologie beaucoup plus individualiste, modulable et flexible. Disons qu'il ne nécessite pas de se coordonner avec les autres producteurs qui sont situés en amont ou en aval du cours d'eau. Donc l'une des thèses intéressantes, je trouve, pour sortir d'un pur déterminisme technologique et expliquer aussi les raisons qui expliquent le choix de telle technologie plutôt que telle autre, parce que la question de l'efficacité en soi est très discutable. Hein, pour un industriel, la question de l'efficacité se pose en termes de coûts et en termes de rentabilité financière. Or, dans la première moitié du 19e siècle, la rentabilité et l'avantage financier de la machine à vapeur n'étaient pas du tout évidentes dans de nombreuses situations. Mais l'avantage de la machine à vapeur, c'est que c'était une technologie qui correspondait mieux au nouvel esprit du capitalisme qui s'impose au début de l'industrialisation et qui fait que ces industriels britanniques ne voulaient pas rentrer dans des logiques de gestion collective de l'énergie, voulaient avoir une maîtrise complète sur leur approvisionnement énergétique, ce que rendait possible le charbon et l'usage de la machine à vapeur. Il faudrait évidemment aussi insister sur le rôle du libre-échange. Le 19e siècle, c'est aussi le siècle du libre-échange. Or, le libre-échange a joué un rôle très important dans le triomphe de la machine à vapeur, puisque contrairement aux autres sources d'énergie qui nécessitent une dispersion des activités productives, le charbon a comme avantage de permettre de concentrer la production dans un même lieu et de déplacer l'énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise ou l'installation industrielle qui va vers l'énergie, qui va vers le cours d'eau, qui s'installe là où se trouve la source d'énergie, mais c'est la ressource énergétique qui se déplace. Or, avec l'amélioration des transports et surtout le libre-échange qui diminue considérablement les barrières douanières, l'Angleterre va se mettre à inonder le marché européen de charbon, et notamment à vendre son charbon aux autres pays européens, y compris des pays européens qui avaient des difficultés d'accéder à cette ressource première. Donc la diminution des barrières douanières, les politiques de libre-échange qui se mettent en place au XIXe siècle, et assez tôt, est stimulée par la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne fait le choix du libre-échange pour renforcer sa puissance. La Grande-Bretagne, par exemple, fait le choix d'abandonner son agriculture dès les années 1830-40 pour s'en remettre aux exportations de charbon et de produits manufacturés. Donc, et évidemment, ça a permis aux pays européens, dans un second temps, d'adopter aussi le charbon à un coût raisonnable, du fait de cette généralisation, de cette diffusion des transports et de cette idéologie du libre-échange qui a entraîné toute une série de réformes douanières permettant d'abaisser les coûts pour accéder à cette ressource. Alors, le point sur lequel je voulais insister, c'est que ce qu'on appelle le régime énergétique du 19e siècle, ce régime énergétique ne se limite pas au charbon. C'est un régime énergétique complexe. Et ça peut peut-être nous offrir une leçon au moins pour le présent. C'est que quand on parle de transition énergétique, souvent il s'agit en réalité d'une addition énergétique. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une source d'énergie à une autre source d'énergie, comme par miracle. On serait passé d'énergie ancienne, utilisant la biomasse, les énergies du vent, de l'eau, à des énergies nouvelles, le charbon. En réalité, ce qu'on appelle transition énergétique, ça ressemble davantage à une addition énergétique. C'est-à-dire que ce sont toutes les sources d'énergie dont l'utilisation s'accroît parallèlement. Le charbon n'a pas supplanté l'énergie des chevaux, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne. Le charbon, c'est à accompagner, à fonctionner de façon dialectique avec ces autres sources d'énergie. Quand on dit qu'on va opérer une transition énergétique, on donne l'impression qu'on va passer de nos économies carbone fondées sur les énergies fossiles à un système énergétique radicalement nouveau, que ce soit l'énergie renouvelable ou autre. En réalité, ce qui va se passer dans la fameuse transition énergétique, c'est plutôt qu'on va continuer de produire massivement de l'énergie, on va continuer d'utiliser massivement les énergies fossiles, celles du 19e siècle comme le charbon et puis celles qui naissent à la fin du 19e siècle comme le pétrole. Mais en fait, on va les additionner aux nouvelles sources d'énergie pour répondre à la demande énergétique croissante qui continue de caractériser nos sociétés. Alors, le dernier point sur lequel j'aimerais souligner, c'est que cette question de l'énergie, donc vous voyez, elle est déjà centrale. C'est un enjeu décisif pour les capitalistes, pour les économistes, pour les ingénieurs du 19e siècle, pour lever ce qu'on appelait le piège malthusien, la peur des rendements décroissants, la peur du mur écologique qui était très fort dans la pensée économique du début du 19e siècle. J'avais oublié que tous les premiers, les pères fondateurs de la théorie économique, comme Ricardo, comme Adam Smith, étaient persuadés que l'accroissement de la production et la croissance démographique allait se heurter à un épuisement du sol et donc à une diminution des rendements. Et évidemment, ça a été la grandeur de la machine à vapeur de lever ce piège malthusien grâce à l'innovation technologique qui est apparue comme une manière justement de dépasser ces blocages écologiques par l'innovation. Alors, mais pas seulement, évidemment, l'innovation de la machine à vapeur. L'amélioration des techniques d'attelage, l'amélioration des techniques hydrauliques, l'amélioration de toute une multitude d'autres techniques a joué le même rôle en réalité. Donc le mix énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des énergies utilisées au XIXe siècle, est beaucoup plus complexe et diverse que ne pourrait laisser penser qu'une vision simpliste associant cela au charbon. Par ailleurs, le charbon, même si une véritable mythologie du charbon naît au XIXe siècle, qui prépare le terrain aux mythologies du pétrole et aux mythologies du nucléaire et aux nouvelles mythologies énergétiques qui ne cessent de renaître, c'est-à-dire un discours d'accompagnement qui permet de construire du désir, de construire des marchés pour cette nouvelle source d'énergie. À côté de ces mythologies énergétiques et charbonnières, particulièrement fortes en Grande-Bretagne, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans de nombreux autres pays, cette adoption du charbon ne s'est pas faite de façon naturelle comme une évidence. Cette nouvelle trajectoire énergétique s'est accompagnée d'une multitude de débats, d'interrogations, de doutes, d'opinions très sceptiques. Si je voulais résumer, dès le début du 19e siècle, le charbon soulève au moins deux questions fondamentales qui ne vont pas cesser de revenir. Et la première question, c'est évidemment la question de l'épuisement des réserves charbonnières, de l'épuisement des mines de charbon. On trouve dans un traité qui s'appelle le traité sur l'économie des machines et des manufactures de Charles Babbage, Babbage qui était un célèbre mathématicien, mais qui était bien plus que cela et qui a écrit une sorte de traité théorique sur le fonctionnement du nouveau monde industriel, dans lequel il célèbre la nouvelle capacité productive de l'Angleterre et il célèbre le nouveau régime énergétique fondé sur la machine à vapeur, comme ouvrant une série de potentialités gigantesques pour l'enrichissement de de la population. Mais en même temps, même dans ce texte apologétique à la gloire du charbon et de la machine à vapeur, on trouve aussi l'énoncé d'un certain nombre de doutes, d'interrogations. Mais la source d'où découle cette force immense n'est-elle pas tarissable? Et les houillères du monde entier peuvent s'épuiser à la fin. Cette question, elle est très présente. Dès les années 1820, au Parlement britannique, une enquête parlementaire est lancée pour évaluer les réserves de charbon disponibles. Puisque si la Grande-Bretagne fait le choix de s'en remettre intégralement au charbon pour développer sa puissance industrielle et aussi donc sa puissance politique et son identité nationale, puisque le charbon et l'énergie de la machine à vapeur devient véritablement un des éléments clés de la mythologie nationale britannique au XIXe siècle, hein, qui triomphe lors de l'exposition universelle de 1851 au Crystal Palace, où à l'entrée on trouve un énorme bloc de charbon et où tout est la machine à vapeur est utilisée pour toute une série d'applications. Il s'agit là, dans l'exposition de 1851, de montrer véritablement qu'on est rentré dans l'âge de la vapeur, d'un nouveau régime énergétique qui va accompagner la puissance britannique. Or, ce nouvel âge de la vapeur suscite des interrogations, des inquiétudes permanentes qui sont levées par l'énoncé d'un certain nombre d'utopies technologiques et qui sont levées par l'idée que finalement, on trouvera des solutions technologiques de remplacement. Évidemment, bon, c'est très connu, mais cette polémique, cette controverse sur la finitude des ressources en charbon, elle atteint son point cardinal au XIXe siècle avec l'enquête et la publication du fameux texte de Stanley Jevons, jeune économiste, sur la question charbonnière, sur les réserves de charbon de la Grande-Bretagne, à une époque, 1860, où la Grande-Bretagne passe justement un accord de libre-échange avec la France, accord de libre-échange qui va entraîner un accroissement des exportations de charbon britannique vers le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'énergie extraite du sous-sol britannique va servir à accentuer le processus d'industrialisation des voisins européens. Or, pour beaucoup de Britanniques, c'est absurde. La Grande-Bretagne doit garder son énergie et éviter de la vendre aux voisins, garder son énergie pour ne pas hypothéquer l'avenir. Et donc, Stanley Jevons, dans son enquête, en réalité, propose un point de vue assez pessimiste. Et alors, l'une des réponses qui était faite en général au débat sur la finitude de la ressource, c'était qu'on allait améliorer les moteurs et qu'on allait donc moins consommer par unité produite. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'amélioration des machines à vapeur, de la combustion du charbon dans les chaudières fait qu'au XIXe siècle, l'efficacité énergétique des techniques s'est améliorée. Pourtant, la consommation de charbon n'a pas cessé d'exploser. Donc c'est le fameux paradoxe de Jevons. C'est-à-dire que l'amélioration de l'efficacité énergétique du moteur ne s'accompagne pas d'une diminution de la consommation énergétique, mais s'accompagne d'un accroissement de la consommation énergétique, parce que dans le même temps, on produit beaucoup plus en plus grosse quantité, parce que les coûts de production diminuent, ce qui permet de diffuser plus de marchandises. Donc ça vient de cette époque-là. Or, pour Jevons, finalement, il était évident que les mines de charbon britanniques allaient s'épuiser assez rapidement, et donc que la trajectoire énergétique britannique n'était pas durable. Alors, quelle solution il proposait pour résoudre ce problème? Il n'y avait pas vraiment de solution. Dans son texte, on trouve des solutions financières, c'est-à-dire qu'il propose notamment que l'économie britannique se reconvertisse progressivement moins dans le domaine industriel manufacturé et de plus en plus dans des activités de services, dans des activités financières. C'est l'époque du développement de la City, où la Grande-Bretagne devient une grande puissance financière. C'est-à-dire, en gros, il propose que la Grande-Bretagne opère une reconversion lente de son économie pour éviter ce mur et cette crise de la raréfaction des ressources charbonnières. Dans son texte, on trouve aussi toute une série d'utopies technologiques visant à empêcher cet effondrement énergétique, notamment le mythe et l'utopie de l'énergie solaire qui commence à prendre son essor. C'est toute une mythologie du solaire, énergie infinie, omniprésente partout, dont on devrait bien trouver un moyen pour la domestiquer, pour produire de l'énergie utilisable pour les activités humaines. Alors, bon. Donc le débat est déjà très présent, cette question, et la géologie, les ingénieurs des mines vont développer toute une série de techniques, d'outils, de moyens, d'instruments pour enquêter, pour évaluer les réserves charbonnières, et le processus évidemment d'expansion impériale tient aussi à cette nécessité de trouver toujours des ressources en matières premières et des ressources énergétiques à une époque où la diminution des ressources propres au continent européen commence à se faire sentir. Le deuxième problème qui accompagne l'histoire du charbon depuis le début, c'est évidemment la question environnementale et la question des pollutions. Le charbon, évidemment, notamment avec les machines à vapeur du 19e siècle qui étaient extrêmement peu efficaces et qui rejetaient énormément de substances toxiques dans l'atmosphère, c'est que ces machines et cette nouvelle trajectoire énergétique polluent beaucoup. Et cette pollution n'est loin d'être une invention des années 1860, c'est déjà une préoccupation assez vive du 19e siècle. Alors évidemment, au 19e siècle, une cheminée d'usine qui fume, c'est d'abord un signe de prospérité économique avant d'être un signe de crise environnementale. Et c'est le discours dominant. C'est-à-dire, une cheminée qui fume, ça veut dire du travail, ça veut dire de l'emploi pour le plus grand nombre, ça veut dire la puissance et la richesse britannique. Mais d'autres, très tôt, commencent aussi à évoquer les problèmes sanitaires. Les débats sur les pollutions atmosphériques du fait de la combustion du charbon remontent au moins aux années 1820-1830 en Angleterre. Les premières lois en vue de limiter les émissions contraignent les industriels à adopter des techniques pour filtrer les rejets liés à la combustion du charbon dans l'atmosphère se mettent en place assez rapidement. Les mouvements en vue de protester contre les pollutions de l'air apparaissent également assez vite. La notion de pluie acide, par exemple, apparaît dès les années 1870. En 1902, par exemple, le Manchester Guardian notait dans un article à propos consacré aux pollutions au charbon, il notait que grâce au charbon, grâce à cette nouvelle énergie, la Grande-Bretagne avait construit un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Mais pour cela, ajoute le journal, il a construit des villes enfumées en métropole où le soleil ne se lève jamais. Les premières évaluations des impacts sanitaires, des maladies respiratoires liées à la combustion du charbon dans les grandes villes britanniques datent du 19e siècle. Le terme de smog aussi va être forgé justement pour caractériser cette nouvelle pollution atmosphérique liée notamment à la combustion du charbon pour les usages domestiques, pour se chauffer et pour aussi de plus en plus pour les usages industriels. Donc la question des pollutions va accompagner toute l'histoire de l'industrie charbonnière, toute l'histoire de cette nouvelle source d'énergie, va expliquer aussi le fait qu'on va de plus en plus reléguer les activités fondées sur les machines à vapeur à la périphérie, dans des zones qui vont être dédiées à l'industrie, les premiers grands bassins industriels, l'invention des banlieues industrielles, la relégation de plus en plus à la périphérie des villes des cheminées qui polluent est liée justement à cette montée des plaintes de la part des riverains, à cette montée des plaintes notamment de la part de la bourgeoisie urbaine contre les pollutions liées au charbon. Donc la question des pollutions se pose aussi comme un phénomène réel du 19e siècle. Évidemment, et cette question des pollutions, et c'est le dernier enjeu des controverses charbonnières que j'évoquerai, sans tomber dans l'anachronisme, mais un autre aspect qui pourrait paraître là parfaitement contemporain de notre époque. Donc ça, c'est un article de vulgarisation publié à la veille de la Première Guerre mondiale par Louis Delaunay, qui s'intitulait « Les ressources en combustible du monde », qui est justement une longue enquête qui vulgarise les travaux de géologie de l'époque sur les réserves de charbon. Comme Stanley Jevons, en 1865, il commence à proposer les premières projections statistiques pour évaluer les tendances de consommation et qui révèle que si la consommation continue à croître au rythme de l'époque, les réserves domestiques ne suffiront pas. Et donc, dans son article, Louis Delaunay aussi revient sur cette inquiétude à l'égard de la finitude de charbon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du paragraphe, il évoque un autre spectre, un autre débat qui est présent et qu'on trouve y compris dans cette littérature de vulgarisation. Il ajoute « Ajoutons incidemment une dernière remarque. Pour produire quelques 800 milliards de combustibles minéraux, combien n'a-t-il pas fallu de végétaux accumulés et très accidentellement préservés de la combustion dans la durée des temps géologiques, donc le charbon. Donc, quelle absorption d'acide carbonique emprunté à l'air? Et le jour où cet acide carbonique aura été restitué aux couches inférieures de l'air par nos cheminées d'usine, quel changement, dont nous avons déjà le podrome sur les grandes villes industrielles, ne manqueront pas d'être réalisés peu à peu dans nos climats? Donc évidemment, c'est la question du changement climatique du fait de l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère par la production, par l'utilisation massive du charbon. Cette question, donc, c'est évoqué incidemment par Louis Delaunay, ça n'a évidemment rien à voir avec l'ampleur de la controverse climatique qui organise tout le débat contemporain, mais en réalité, la question climatique, la question de l'impact du rejet massif de CO2 dans l'atmosphère se pose dès le 19e siècle. En 1855, il y a un auteur qui s'appelle Eugène Huszár, qui a écrit un livre, une sorte de théorie, de livre prophétique sur les apories du monde industriel, qui s'appelle « La fin du monde par la science », publié en 1855. Et dans ce texte, il propose une sorte de prophétie assez étrange, assez étonnante parfois. Mais parmi les mises en garde qu'il propose dans son texte, il signale que la combustion massive du charbon va nécessairement entraîner des dérèglements dans le fonctionnement de l'atmosphère. Donc il faudrait rattacher ça, évidemment, à l'histoire de la chimie, à l'histoire de la compréhension du fonctionnement de l'atmosphère, qui en est encore à ses tout débuts. Et pour Huszár, évidemment, c'est plus de l'ordre d'une sorte de prophétie apocalyptique qui n'est pas véritablement arrimée sur des enquêtes, des analyses scientifiques. Mais dès la fin du 19e siècle, des scientifiques, des chimistes vont alerter sur les impacts potentiels possibles de cette combustion massive du charbon. C'est un article de Arrhenius qui a été réexhumé massivement dans le débat contemporain. C'est un chimiste suédois qui va publier un article qui ne sera pas très, très visible et très discuté en dehors du champ scientifique à l'époque. Mais ce savant, ce chimiste Arrhenius, propose les premières extrapolations et invente ce qu'on appelle la théorie des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il est l'un des premiers à expliquer que l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère va avoir un impact sur le climat global et va entraîner un réchauffement. Alors, sauf que pour Arrhenius, qui écrit tout un livre qui va être traduit en français en 1910 autour de ces questions, pour Arrhenius, donc il y a une inquiétude. C'est-à-dire, les sociétés humaines risquent d'avoir un impact géologique de grande dimension. Donc c'est tout le débat de l'Anthropocène actuellement. C'est-à-dire l'homme, par son action technique, devient une force géologique capable de modifier les grands équilibres physiques, notamment les grands équilibres de la chimie de l'atmosphère, avec des impacts socio-environnementaux multiples. Sauf que Arrhenius propose une interprétation positive et optimiste, puisqu'il explique qu'en réalité, c'est indéniable, dès 1906, c'est indéniable, la combustion du charbon et les taux de croissance d'utilisation de cette source d'énergie vont entraîner des modifications globales de la composition de l'atmosphère. À l'époque, on n'avait pas d'instrument pour mesurer. Donc, c'est uniquement des extrapolations théoriques fondées sur la quantité de CO2 qu'on émet en brûlant une tonne de charbon. Bon. Mais en réalité, les calculs que propose Arrhenius dès le début du 19e siècle se révéleront assez proches de ce qu'observeront les scientifiques du climat à partir des années 70. Sauf que Arrhenius a proposé une interprétation positive, puisque on était persuadé à l'époque qu'on rentrait dans dans un nouvel âge glaciaire, dans une nouvelle phase de refroidissement du globe. Et donc pour Arrhenius, en réalité, c'est bon, c'est une bonne chose. Il faut brûler du charbon parce que ça va permettre de rééquilibrer le climat de la Terre et d'éviter que la Terre se refroidisse. On va mettre en place, finalement, on va faire de la géo-ingénierie avant l'heure, et donc stabiliser en quelque sorte le climat. Donc on reste évidemment dans un imaginaire optimiste du progrès industriel et technique. Donc face à cette difficulté du charbon, les hommes du 19e siècle vont imaginer une multitude de technologies, alternatives, d'alternatives techniques. Aux Archives nationales, vous avez des cartons entiers de projets plus ou moins farfelus, plus ou moins sérieux, de technologies alternatives. Un exemple, le zoolique promu au tout début de notre période, dans les années 1820. Le zoolique en bas, donc en fait, c'était une sorte de manège de cheval qui devait actionner des roues à aubes, tout simplement, pour permettre le transport fluvial. Et dans le dossier d'accompagnement de cette innovation zoolique, l'inventeur expliquait que c'était une bonne réponse aux machines à vapeur qui ne fonctionnaient pas, qui étaient beaucoup trop dangereuses et beaucoup trop dispendieuses. À l'époque, il y a plein de projets pour essayer de proposer des alternatives à l'énergie du charbon. On pourrait dire que c'est une sorte de fantaisie sans lendemain, mais ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a eu une ligne qui a fonctionné sur une petite rivière en amont de Nantes. Pendant quelques années, il y a eu, sur quelques dizaines de kilomètres, une ligne régulière fonctionnant avec des bateaux utilisant une roue à aubes actionnée par un zoolique. Et puis, en 1835, ce manège de cheval a été remplacé par une machine à vapeur. Alors, une autre utopie qui va naître, qui va considérablement se développer au 19e siècle, c'est l'imaginaire solaire. Le solaire, comment domestiquer le soleil pour produire de la force, pour répondre aux besoins de chauffage, pour répondre aux besoins des sociétés européennes? Ça, c'est vraiment une question qui obsède les hommes du 19e siècle, notamment après les années 1860. C'est-à-dire que dans les années 60, comme je l'ai dit, il y avait un gros débat sur l'épuisement des réserves de charbon. qui est très présent. Et le texte de Jevons va être très largement relayé, y compris sur le continent européen. En France, la presse rendra compte du rapport de Jevons, de la question charbonnière. Et ça va stimuler toute une série d'esprits inventifs, et ça va stimuler aussi le soutien de l'État à un certain nombre de trajectoires alternatives, notamment celle du solaire, avec la fameuse machine d'Augustin Mouchot. C'est un professeur de physique au lycée de Tours qui va se passionner pour son innovation, qui va mettre au point toute une série de convertisseurs énergétiques visant à utiliser la chaleur du soleil pour produire de la vapeur, pour actionner des machines. Alors là, vous avez deux illustrations qui datent du tout début des années 80, le moment où à la fois la machine connaît une certaine popularité dans l'opinion, et aussi le moment où elle va rapidement être disqualifiée et relayée comme une curiosité inefficace. Mais pendant quelques années, dans les années 1870, il y a véritablement eu un vrai enthousiasme pour le moteur Mouchot, et qui va obtenir des financements du gouvernement français pour aller faire des essais. Alors comment expliquer cet enthousiasme pour l'énergie solaire dans les années 1870 ? Alors ça tient donc à cette importance du débat sur le charbon, à cette inquiétude persistante sur la fragilité de ce système charbonnier. Ça tient aussi évidemment à l'Empire, à la conquête coloniale, puisque ces machines vont être notamment promues par le gouvernement pour être utilisées en contexte colonial, où la chaleur du soleil permet évidemment beaucoup plus d'efficacité et où, dans beaucoup de ces territoires coloniaux, l'accès au charbon est très très difficile. Donc on va essayer d'imaginer toute une série de dispositifs pouvant fonctionner grâce à l'énergie solaire. Et là, vous avez par exemple donc une machine à imprimer, Marinoni, actionnée par ce convertisseur solaire de Mouchot. Ça a marché pendant... Donc ça, c'est extrait d'un article de presse qui rendait compte d'une fête organisée à Paris en 1882 qui s'appelle la fête de la jeunesse, qui est organisée par le gouvernement républicain après les grandes lois Ferry en vue de célébrer la grande œuvre éducative du gouvernement et de Jules Ferry. Et dans ces fêtes, dans ces festivités, sont présentées toute une série d'innovations présentées comme des outils d'avant-garde permettant de répondre aux enjeux du présent. Et parmi tous ces objets plus ou moins curieux qui sont présentés au public, on trouve ce réflecteur solaire et tous les discours d'accompagnement le présentent véritablement comme une solution extrêmement utile, extrêmement efficace dans un certain nombre de contextes, notamment dans le contexte colonial. Et évidemment, on est aussi, début des années 80, dans le moment d'expansion très rapide de l'Empire colonial français. Ça va être le moment où l'Empire s'étend sur le continent africain, notamment. Donc la machine solaire et l'enthousiasme s'expliquent en fait aux enjeux politiques et aux enjeux politiques, parce que la République essaye aussi de se construire à l'époque en s'enracinant dans la technologie et dans les mythologies technologiques. La République doit permettre d'être un régime particulièrement innovant. Et donc le gouvernement républicain va soutenir l'innovation, va soutenir toute une série d'objets. Alors évidemment, dès les années 80-90, la machine de Mouchot va ensuite être reléguée, disparaître, ou plutôt devenir une sorte de mythe et pénétrer dans l'imaginaire. Les années 80-90, c'est aussi le moment, évidemment, où le charbon triomphe, s'impose véritablement, où les inquiétudes par rapport à l'épuisement qui s'exprimait dans les années 60 sont en partie levées par la découverte d'importants gisements dans différents endroits dans le monde. C'est le moment où les mines de la Ruhr connaissent une expansion gigantesque, où les États-Unis développent des mines gigantesques et commencent à devenir les premiers producteurs mondiaux de charbon. C'est le moment aussi où on ouvre des mines dans le monde colonial. Et donc, en quelque sorte, les inquiétudes qui s'expriment dans les années 60 sont levées par la découverte d'une nouvelle ressource, et surtout c'est le début du pétrole, qui évidemment c'est le début du pétrole, et c'est aussi le début de l'hydroélectricité et du moteur électrique qui va offrir une nouvelle source d'énergie. Et donc tous ces nouveaux convertisseurs énergétiques et toutes ces sources d'énergie vont marginaliser l'énergie solaire qui va apparaître comme une sorte de technologie rapidement périmée. Elle va juste subsister dans les imaginaires, hein, puisque Émile Zola, par exemple, va faire de l'énergie solaire dans son dernier roman, Le Travail, la grande utopie du futur. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman. C'est le récit d'un ingénieur qui parvient à domestiquer l'énergie du solaire pour trouver une source d'énergie infinie. Donc, cette utopie solaire, elle reste assez forte. On pourrait la suivre en réalité tout au long du XXe siècle, avec des phases de recul, des phases de résurgence, de réémergence. Mais je vais m'arrêter là parce que je suis bien trop long. Juste en guise de conclusion, deux, trois mots. Je ne sais pas si ce que j'ai essayé d'expliquer a une quelconque utilité pour résoudre et nous aider à affronter les enjeux du présent. Mais il me semble que l'expérience du XIXe siècle à la fois évidemment plein de points communs et nous montre une chose importante, je crois, c'est que nous ne sommes pas subitement rentrés dans une crise de la modernité. La modernité a en permanence été interrogée, discutée, et ces crises et ces interrogations ont été recouvertes, rendues invisibles. Rendues invisibles par des utopies technologiques, rendues invisibles par l'accès à des ressources énergétiques en très grande quantité, comme le charbon, puis comme le pétrole. Et évidemment, l'arrivée massive du pétrole autour de la Première Guerre mondiale va contribuer à reléguer aussi ces inquiétudes à l'arrière-plan, puisque le pétrole va être présenté d'emblée, comme le nucléaire le sera après 1945, comme finalement la solution à nos crises, à nos problèmes énergétiques. Mais évidemment, ça n'en était pas, et la situation contemporaine montre bien que le problème, ce n'est pas tant la transition énergétique que l'addition énergétique dans laquelle nos sociétés sont rentrées. Merci beaucoup. C'était donc François Jarige qui nous parlait du système énergétique de la révolution industrielle, qui est bien loin de se réduire au seul charbon. Voilà François Jarige qui est un grand spécialiste des luddites, les ouvriers anglais qui au début du 19e siècle ont cassé les machines pour protéger leur mode de vie communautaire. Et François Jarige a fait il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences. On a eu l'occasion sur nos ondes de l'écouter présenter cet ouvrage dans une émission spéciale de Racines de Moisin. Et pour prolonger un peu cette réflexion sur les énergies, eh bien, j'ajouterai simplement que François Jarige souligne un petit peu, mais pas, on ne rentre pas dans le détail, que les énergies fossiles ont été surtout un moyen de s'abstraire et de se détacher de l'ancrage écologique et social qu'implique l'utilisation des énergies renouvelables, puisque ces énergies ne peuvent pas être détachées des lieux et des éléments naturels, et aussi donc des personnes qui mettent en œuvre toutes ces ressources. J'ajouterai une petite citation. Avant que l'énergie ne désigne cette grandeur abstraite capable de produire un travail et de faire mouvoir les machines, ce mot désignait plutôt la force et la fermeté dans l'action qui rend capable de grands effets. C'est une définition qui nous est proposée par le dictionnaire Le Robert. Et donc c'est plutôt de cette énergie-là dont nous manquons cruellement aujourd'hui pour prendre de nouveau nos affaires en main et pour faire échec à cette tyrannie de la puissance qui domine actuellement les sociétés industrielles. On va conclure sur ces bonnes paroles. La conférence de François Jarige était issue du cycle Modernité en crise qui a été donné en mai 2016 à la Cité des sciences et de l'industrie. Visiblement, c'est François Jarige qui a organisé ce cycle de conférences. Et je pense que dans les prochaines émissions, nous aurons l'occasion d'écouter les autres conférenciers qu'il a invités à cette occasion. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Racines de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.